Chapitre 7. Je m'éveillais au bêlement plaintif d'un mouton. La porte était ouverte et le soleil donnait à l'intérieur. Déjà il léchait ma noire cheminée, il était passé midi. Je me levai d'un bond, Poupoule entra pour être présent à mon lever. J'avais un peu honte devant lui et lui adressai quelques timides clins d'yeux. Mais sa vénération et son attachement n'avaient en rien souffert. Alors je descendis à la mer et je nageai si longtemps que je me sentis glacé jusqu'aux os. Maintenant j'étais frais et de bonne humeur. J'avais cette nuit atteint un des plus profonds trous de sonde de mon existence. Maintenant j'allais, conformément à la loi, monter, m'élever toujours plus haut, Dieu sait jusqu'où. La journée était magnifique et attisait mon courage. La mer était unie comme une glace et bleue comme de la soie. Le ciel était complètement libre de nuages et d'une merveilleuse couleur bleu foncé. Il étincelait et de place en place, il était transparent comme du cristal. C'était là que soufflaient les courants du vent. Mais sur l'île halonnait seulement une brise à peine sensible. Elle effleurait la mer et déployait sur elle un grand éventail bleu d'acier qui tantôt s'ouvrait et tantôt se fermait. Un essaim de petites voiles éblouissantes se tenait là-bas. Tous les pêcheurs qui hier roulaient ivres devant le grand hôtel étaient au travail. Le soir vint, le ciel se teinta de vert, la mer devint rouge comme du vin, et la brise, légère comme une haleine, touchait la mer de taches frangées d'un vert métallique qui voyageait. Les petites voiles, rentrant au port, glissèrent sur la baie. Elles étaient devenues pâles. Je descendis au port et montai dans la barque de Quédril. À la brune, nous hissâmes la voile, et le bateau s'éloigna d'un glissement insensible, silencieux comme un grand oiseau, et ce ne fut qu'après une heure que nous eûmes la baie derrière nous. La faucille de la lune brillait, toutes les grosses étoiles scintillaient au ciel, les petites étaient invisibles. Il y avait 1000 étages d'espace au-dessus de nous. La faucille de la lune oscillait au plus profond de la mer, et les grosses étoiles étincelaient dans la profondeur. Il y avait 1000 étages au-dessous de nous. Entre le haut et le bas, il y avait une mince vitre, et c'était là-dessus que nous glissions. Le grand silence de la nuit nous rendait silencieux, et chacun suivait ses pensées. À l'horizon, au sud, une étoile jetait des étincelles, à demi dans la mer, comme un feu flottant. Elle m'envoyait des rayons crépitants. Elle parlait avec moi. « Vous, les êtres qui vous chauffez à ce feu, comment nommez-vous ce soleil ?» Allah ai-je erré jadis sous les rayons de Allah, ou bien est-ce ma destinée d'y passer un jour dans mon grand voyage? Ô toi, grand esprit sur les eaux, fais-moi un jour errer sous Allah, fais passer mon âme dans le corps du bison ou du singe hurleur, peu importe, ne la fais pas mourir. Quédril éternua. Quédril, être impur, pourquoi éternuer au moment inopportun et mélanger ta sanie à l'encens que je fais monter vers le grand esprit? Nous nous arrêtâmes et attendîmes le Lady of Highland de Queenstown. Dans le lointain, Créache faisait tournoyer son moulin de lumière à travers la nuit, et toutes les 7 secondes, son feu nous éblouissait 2 fois coup sur coup. On eût dit alors que nous en étions à 100 pas et que nous regardions en plein milieu de la lentille étincelante qui nous aveuglait. La mer frappait au flanc de la barque, et le reflet du croissant lunaire se contournait et souvent se brisait en 1000 éclats. Les grosses étoiles étincelaient dans les profondeurs, telles des diamants gros comme le poing. Parfois, elles se désagrégeaient en une scintillation fragmentaire de tremblantes étincelles qui tout aussitôt se refondaient en une seule. À travers la matité de mon propre reflet, mon regard plongeait dans le jet noir et brillant. Parfois, il se bombait sans bruit comme s'il respirait. La mer, vue en profondeur, avait un aspect hostile et sinistre. On glissait là-dedans, sans bruit, on y descendait, plus bas encore. C'était obscur et mou, et jamais les pieds ne sentaient le fond. Soudain, le songe de cette nuit me revint en mémoire. C'était là-dessous que je célébrais mes noces avec Rosaire. Je me mis à rire doucement. « Vois-tu la lumière ?» demanda Quédril. J'aiguisai mon regard. Un petit point rougeâtre scintillait à l'horizon, 100 fois plus fin que la mèche expirante d'une chandelle dans une pièce obscure. « Tu as des yeux diablement perçants, pilote !» Le Lady of Ireland arriva sur nous, sans un son. Le ding-ding de la cloche sur le pont retentit clair dans le silence. Un couple d'ombres se penchèrent. Kédril monta à bord. Nous échangeâmes quelques mots avec les ombres de là-haut. Les voix humaines ont un son étrange la nuit sur la mer. Nous étions comme des fantômes. Chapitre 8. Tout se passa comme je l'avais prévu. Par une trouble après-midi, j'entendis devant ma porte un piétinement comme si un poulain eût passé au galop, et quand j'ouvris, je vis une jeune fille en coiffe blanche, debout sur la lande. Elle conduisait deux moutons noirs au bout d'une corde. Je voyais ses dents d'ici, elle riait. Le vent faisait voltiger ses jupes, on eût dit qu'elle était soufflée vers moi. « C'est ici que tu demeures ?» me cria-t-elle de loin. Et le vent emporta sa voix, dont le son était lointain et ténu comme un fil. « Oui, ici. Ne le savais-tu pas ? Où vas-tu » Rosaire se tourna et rit. « Je rentre mes moutons à la maison. Que dis-tu ? C'est mes moutons que je rentre à la maison. » Je m'approchai. « Comment t'es-tu porté depuis la noce de Kédril ? Rien de nouveau ?» Nous marchions côte à côte, en luttant contre le vent. Rosaire me regarda à travers le treillis de ses cheveux jaunes flottants, et elle rit. « Yann m'a secoué. Il était en colère parce que je dansais avec toi. « Yann ? Mais c'est lui qui t'a dit de danser avec moi. « Oui, mais c'est parce que tu as dansé avec moi comme ça. « Comme ça ? Et comment donc devais-je danser avec toi ? On danse toujours comme ça, avec une jeune fille. » Rosaire en convint. « Yann est toujours de mauvaise humeur, continua-t-elle à raconter. Il veut que nous nous marions. Et Jean-Marie ne donne pas son consentement. Et sans cela, ce n'est pas convenable. Je suis encore trop jeune, dit grand-père. Ça ne te presse pas tant, toi ? Rosaire secoua la tête. Oh non, une fois que je l'aurai épousé, il se mettra à boire et à me battre, comme ils font tous. Non, Yann a bon cœur. Rosaire approuva de la tête. Son cœur est bon, oui, mais c'est un marin, malgré tout. Rosaire raconta mille bagatelles que j'écoutais toutes avec plaisir. Sa voix enfantine et haute montait et descendait, et le vent l'emportait. Rosaire, tout entière, ondoyait comme un drapeau. À chaque pas, ses petits talons ronds s'échappaient de ses sabots. Ses yeux étaient rapprochés et dirigés, perçant, contre le vent, comme les yeux d'une mouette. Elle ne battait même pas des cils quand les gouttes de pluie glacées lui frappaient le visage. « Ta peau est brune comme la terre, Rosaire. Tes cheveux sont jaunes comme les fleurs de la lande, et pour le reste, tu es faite de vent et de pluie et de sel. » Nous allions par la lande déserte, montant et descendant. Ça et là, il y avait des blocs de pierre désagrégés et des tas de varechs en couches superposées. On n'entendait rien que le bêlement plaintif des moutons grelottants, attachés de place en place à des piquets, et le cri strident d'une mouette quelque part. Une vache noire affamée se tenait au bord du chemin et beugla mélancoliquement quand nous passâmes. Elle n'était pas plus grosse qu'un veau, une vache naine. Aucune des rares vaches de l'île n'était plus grosse. Ici même, les animaux ne faisaient que ce qui était absolument nécessaire. Les poules pondaient de minuscules œufs de pigeons. À terre tremblaient quelques fleurs à courtes tiges. Le vent ne les laissait pas croître en hauteur. Comme elle redoutait les vents du nord, elle s'était établie seulement sur le bord sud des levées de terre. Là, elles étaient couchées sur le nez et frissonnaient. Chaque fois que nous sortions d'un creux, nous apercevions la sombre mer fumante et les rochers écumeux. Le nord de l'île était enveloppé dans un banc de brume qui rampait lentement vers nous. Rosaire ne savait rien de plus, et ce fut mon tour de lui raconter tout ce qui m'était arrivé en bas, au fond de la mer. J'y entremêlais une foule d'aventures horrifiantes avec des requins et des pieuvres pour flatter son imagination. Soudain, Rosaire s'arrêta et me regarda avec effroi. Ses yeux étaient verts comme l'écume de la mer. « Tu as vu père et frère ? » m'interrompit-elle. « Mais ce n'était qu'un rêve, Rosaire. » Le regard de Rosaire flottait et elle rougit. « Ils se sont noyés tous les deux, » dit-elle à voix basse. Du doigt, elle montra un point au-delà de la lande et son front se fronça en plis hostiles. « Là-bas. » Un moment, elle me parut étrange et beaucoup plus vieille. Puis, elle secoua la tête et se remit à marcher. Et qu'est-ce qu'il disait ? Rosaire est ici, rien de plus. Rosaire sourit. Il ne disait rien de plus ? Non. Et je racontai qu'ils étaient tous en cercle et hurlaient, et ce que je faisais avec elle. Alors Rose Eyre me regarda avec de grands yeux étonnés et rieurs, et elle éclata d'un rire sonore, un rire d'enfant. « Quel rêve ! Oh, comment un être humain peut-il rêver de pareilles choses ?»« Oui, qu'en dis-tu, Rose Eyre ? » m'écriai-je. Et je me mis également à rire et lui passai le bras autour de la taille. N'était-ce pas une folle histoire ? Rose Eyre jeta un regard autour d'elle et tenta de s'échapper. « Si quelqu'un nous voyait, qu'est-ce que ça fait ?» Elle me regarda avec étonnement. « Yann te tuerait !» Ah ah ! Je riais. « Qu'est-ce que ça fait ?» Sa présence m'enivrait complètement. À travers le corsage, je sentais la chaleur de son corps et ses petites côtes délicates. Ses cheveux me fouettaient le visage. Sur sa joue brune, il y avait une goutte de pluie qui se mit à couler. Je posai un baiser juste sur cette goutte de pluie. Sa joue était froide comme glace. « Oh, comme tu es méchant !» s'écria Rose Eyre, le visage empourpré. « Que dois-je faire, puisque tu me plais, Rose Eyre ?» Elle riait, et vaillamment elle luttait pour avancer dans le vent. « Tu as embrassé Jeannette aussi ?»« Jeannette ? Jeannette la Noire ?»« Oui, elle l'a raconté. On a dit que tu as visité Martine, et une fois on t'a vu la nuit à Stiff, devant la maison de la veuve Beck. » J'avais mon paquet. Ma réputation n'était pas des meilleures. Ah ah ah, Rose Eyre, Rose Eyre, ce que les gens peuvent accumuler de mensonges! À part cela, on ne t'a rien dit, hein? Le banc de brume était juste devant nous. Il rampait par la lande sur des roues de fumée moutonnantes. En un instant, nous fûmes enveloppés. La corde dans la main de Rose Eyre devint invisible et les petits moutons trottinaient derrière nous, formes grises indécises. La fumée collait à leur laine. Soudain, un son effroyable ébranla l'air et nous chancelâmes. Le son était pareil au beuglement d'un taureau d'airain haut comme une maison. Son souffle déchira un trou dans l'espace, un tuyau dans lequel le beuglement roula jusque là-bas, sur la mer, ainsi qu'un gros boulet grondant, loin, toujours plus loin, puis le taureau d'airain poussa un nouveau beuglement et le sol trembla. « Maintenant, personne ne nous voit plus, Rose Eyre, » dis-je. Et je baisai ses joues glacées, et ses cheveux humides me vinrent entre les lèvres. Rose Eyre ne se défendait plus, mais elle riait comme si elle eût trouvé risible que je l'embrasse. « Si mes bacs te plaisent, Rose Eyre, dis-je, je te les donnerai. Viens chez moi, je te les apporterai dehors. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la maison. »« Mais pourquoi veux-tu me faire cadeau des bagues ?» demanda Rose Eyre. « Parce que tu es la plus belle de l'île. Ha ha ha !» « Viendras-tu ? » Rose Eyre me regarda. « Pourquoi ne viendrais-je pas ? » dit-elle, surprise. « Mais il ne faut plus que tu fréquentes Jeannette, tu entends ? Je la déteste. Et puis, il ne faut pas que Yann le sache. Yann n'apprendra jamais rien. « Alors, adieu !» Rose Eyre se mit à courir. Toutefois, après quelques pas, elle s'arrêta de nouveau. « Dis donc ! » cria-t-elle dans le brouillard. « Peux-tu me prêter 2 sous ?» Je lui prêtai 2 sous. Toute la nuit durant, la sirène de Créage beugla. Toutes les 3 minutes, son beuglement ébranlait ma maison 2 fois coup sur coup, et pendant les pauses, le silence était si angoissant, comme si tout eût prêté l'oreille, la mer, les rochers. Et là-bas aussi, sur les navires, ils prêtaient l'oreille. Ils se penchaient sur les passerelles, aiguisant leur ouïe, ils comptaient les minutes, et le cœur leur battait. J'étais assis devant mon petit feu, je fumais ma pipe, et je pensais à ce que j'allais dire à Rose Eyre quand elle viendrait. « Écoute, Rose Eyre, douée petite madone, dirais-je, prends place, c'est toi que j'ai attendu de tout temps, et mon cœur est rempli de joie à ta vue. » Je tendis l'oreille, un vapeur cornait, très loin, il cornait, anxieux et effarouché, comme s'il eût avancé en tâtonnant, pas à pas, avec précaution. La brume coulait comme de la fumée à travers les fentes de la porte. Je mis du bois dans le feu. « Tout cela est absurde, » dis-je à haute voix. Je lui parlerai tout autrement, comme quand on parle à une fille de pêcheur. Basta. Chapitre 9. Mais quand elle vint, je ne dis rien du tout. « Ah, te voilà !»« Oui, me voilà !» répondit-elle en montrant ses dents. « Ne veux-tu pas entrer ?» Elle guigna curieusement à travers la porte. « Non, non !» Le soleil brille si beau. Et Rose Eyre, la petite fleur de l'île, était assise sur une pierre devant ma porte et travaillait à un bas blanc bien épais. Ses sabots pendaient à ses orteils. Par moments, elle écartait de son visage une mèche de cheveux. Elle bavardait et sa bouche fraîche, sa bouche de 16 ans, n'arrêtait pas un moment. Je fumais et je regardais ses adroites mains brunes aux ongles clairs et les aiguilles à tricoter qui s'entrechoquaient comme le faisceau de mât des barques de pêche à l'ancre à grosse mer. À quelques pas de distance se tenaient les deux moutons de Rosaire, noirs comme le diable. Le vent jouait dans leur laine. Des heures durant, ils pouvaient, sans faire un mouvement, nous fixer comme hypnotisés, nous autres animaux fabuleux, avec dans leurs yeux d'ambre à fente noire un éclat de pure anxiété et de vénération. Parfois, ils reniflaient de leurs tendres mufles de chameaux suffisants et reculaient, effarouchés, car ils avaient peur de tout, du vent, des insectes et même des choses que les hommes ne voient pas. Quand Poupoule s'étirait ou bâillait, cela suffisait pour les faire courir, fous de peur, autour de leur piquet. Sans doute leur apparaissait-il comme un ours effroyable, haut comme une maison, capable de les avaler avec la peau et les poils, sans être le moins du monde rassasié. Puis, de nouveau, ils s'arrêtaient sur leurs minces jambes élégantes, pour ainsi dire sur les orteils, et nous regardaient avec une curiosité anxieuse. Sur la mer passait un vapeur, de minuscules fanions grimpaient tout en haut de ses cordages, ils parlaient avec notre sémaphore. J'aiguisais mon regard et épiais le lointain. Là, un pêcheur ramait désespérément dans son petit canot pour ne pas être broyé. Non, c'était un récif noir et rien d'autre. Je pouvais encore m'y tromper à chaque fois. Les vagues passaient devant nous sans fin, toujours autres, toujours les mêmes. De la mer se levait une griffe blanche qui frappait les rochers. Il faisait chaud. Les insectes bourdonnaient. Dans ces derniers jours, devant la villa des tempêtes, avaient fleuri de petites fleurs que je n'avais encore vues nulle part. Elles avaient l'air de minuscules cierges torses. Tout autour couraient de petits boutons de clochettes de cire. Nous étions bien ici, et comme la fumée de ma pipe était d'un bleu magnifique. Rosaire balançait ses sabots au bout de ses orteils et chantait à mi-voix. C'était comme le son ténu du vent qui pleure, et parfois comme le pépiment des petits oiseaux qui vivaient dans l'île et chantaient seulement à mi-voix et timidement, comme si cela ne valait pas la peine. « Ne veux-tu pas me dire ce que tu chantes, Rosaire ?» Rosaire réfléchit longtemps, puis elle chanta à mi-voix et rapidement, strophe après strophe, d'abord en breton, puis en français. Elle hésitait. « Oh, on ne peut pas dire ça en français, ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est ?» C'est une fille de pêcheur qui entre au couvent à Quimper. Le pêcheur lui rend visite et frappe à la fenêtre. « Ouvre, ouvre, dit-il, regarde dehors. Tu n'as qu'à ouvrir la main et j'y mettrai une pomme et une poire. » Elle savait une petite chanson triste qu'elle chantait souvent et que je n'oubliais plus jamais. Il suffit que souffle une légère brise pour que j'entende cette chanson dans mes oreilles. Car la chanson et le vent, c'est tout un. Une fille veut épouser un pêcheur, mais les femmes disent « Ne fais pas cela, tu n'auras rien que du chagrin, enfant. Et puis après, il mourra, et tu seras seule. »« Peut-être pas, » dit-elle, et elle l'épouse. Le pêcheur part à Saint-Pierre pour la pêche à la morue durant de longs mois. Puis vient une nuit, et yo, comme elle est sauvage et sombre, soudain on frappe à la fenêtre de la femme du pêcheur. « Ouvre, c'est moi, ton mari aimé. » Elle ouvre la fenêtre, et il est là, et dans sa main il porte son cœur. Elle crie et se lamente et court chez les voisins. « Mon mari aimé est mort. » « Était-il réellement mort, crois-tu ? » Rosaire me regarda avec des yeux étonnés. Elle ne répondit rien. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était la chanson que les femmes des pêcheurs chantent à leurs enfants. Dès que Rosaire la commençait, j'étais forcée de sourire. Rosaire chantait « La femme du pêcheur fait cuire la bouillie » et elle dit « Ah, si je pouvais savoir où est mon bonhomme, ça fait toute une année que je n'ai pas de ses nouvelles. » Le gnome est assis dans la cheminée et la contrefait, mais Rosaire ne disait pas gnome, elle disait lutin, et cela avait un tout autre son. Lutin, lutin, et pour le lutin, elle chantait d'une voix haute et stridente. Le lutin est assis dans la cheminée et la contrefait. « Ah, si je pouvais savoir où est mon bonhomme, ça fait toute une année que je n'ai pas de ses nouvelles. » La femme du pêcheur soupire et dit « Ah, mon bonhomme, viens donc m'aider. » Le lutin la contrefait « Ah, mon bonhomme, viens donc m'aider. » La femme du pêcheur dit Ah, mon bonhomme, le lutin est assis dans la cheminée et me contrefait. Le lutin la contrefait. Ah, mon bonhomme, le lutin est assis dans la cheminée et me contrefait. La femme du pêcheur dit « Lutin, lutin, je n'ai pas peur de toi. » Le lutin la contrefait. « Lutin, lutin, je n'ai pas peur de toi. » La femme du pêcheur dit « Ah, mon bonhomme, aide-moi donc. Le lutin a jeté une pierre noire dans ma bouillie. » Le lutin la contrefait. « Ah, mon bonhomme, aide-moi donc. Le lutin a jeté une pierre noire dans ma bouillie. » Ici, la voix de Rosaire prenait un ton aigu et sarcastique. Je riais. « Je voudrais avoir cette petite chanson en breton, dis-je. Veux-tu me la copier ?»« Oui. Entre donc. » Rosaire me regarda avec des yeux gais, pleins de sous-entendus. Elle secoua ses cheveux jaunes. « Non, Rosaire, que vas-tu penser là ?» Je lui apportai un morceau de papier. Elle se pencha et griffonna. « Rose, R. » « Mais la chanson. » Rosaire se mit à rire. Elle ne savait pas écrire. Le soir vint. Et Rosaire détacha ses moutons. Puis elle prit son tricot sous son bras et se sauva. « Kenavo, Kenavo !» Les rubans de sa coiffe blanche flottaient. « Tu es vive et charmante, comme la souris des champs, Rosaire. » Chapitre 10. Maint après-midi, Rosaire vint à la villa des tempêtes avec ses moutons. Yann était parti en mer, et elle racontait des histoires de lutins. Jadis, il frappait aux fenêtres des pêcheurs la nuit et criait « Mary, Mary !» Rosaire miaulait comme un chat. Et même, un lutin avait fendu la margelle d'un puits et il l'avait fendu par le milieu parce qu'il était en fureur. Ils attiraient aussi les pêcheurs dans les grottes, près de la mer. Ils disaient « Viens, viens avec moi dans la grotte, je te donnerai de l'or. » « De l'or, des monceaux d'or !» Mais alors la marée montait et les pêcheurs se noyaient misérablement. Avait-elle jamais vu un lutin ? Rosaire secouait la tête. « Non, disait-elle. » Et elle regardait le ciel, la bouche ouverte. « Une fois, je crois, j'ai vu des lutins, trois, accroupis l'un contre l'autre, qui me faisaient des grimaces. Mais je dois avoir eu la berlue, car il n'y a plus de lutins. Les prêtres sont venus et ont aspergé les rochers avec de l'eau bénite. Alors les lutins sont partis sur la mer, par essaims entiers. Il ne reste plus qu'un esprit dans l'île, c'est Poupon, l'assassin. » Poupon, l'assassin ? Rosaire fit oui de la tête. « Oui, dit-elle gravement, il habite dans la gorge profonde. Tu passes tous les jours devant. Quand la mer est en furie, tu peux l'entendre hurler. Méfie-toi de lui. » « Me méfier ? Oui, ici personne ne passe devant. Car Poupon a mauvais caractère. Il en a déjà tiré beaucoup en bas. Tout le monde fait un détour. Poupon, c'était un pêcheur. Il avait une jeune femme. Une fois, il partit pour la grande terre. Il vint de grandes tempêtes. Il dut attendre 3 semaines. Puis il revint, et un lutin s'assit sur son oreille, et il lui disait sans cesse « Quelqu'un est venu ici !» Sa femme mit sur la table la soupe de poisson, et elle lui tapota la joue, mais il la repoussa et dit « Qui est venu ici ?» Elle répondit « Personne !» et se mit à pleurer. Mais Poupon devenait de plus en plus furieux, et rien n'est plus terrible qu'un pêcheur quand il est jaloux. « Femme, dit-il, « si ça n'a pas de conséquence, alors je dirai « Femme, je te pardonne. » Mais si ça en a, alors je dirai « Sale vache, et je te tuerai. » Mais elle se trouva enceinte, et Poupon la poignarda. Il vint au village, avec un couteau ensanglanté, il dansait devant les maisons, et les gens avaient peur. Alors, oui, alors, il courut par la lande jusqu'à Stiff, où les falaises sont hautes comme 2 clochers. Il se jeta en bas. Mais la mère ne voulut pas de lui et le rejeta. Alors il fit le tour de l'île, en courant, et en criant si terriblement que tout le monde l'entendait et fermait les portes. Il se jeta à la mer, là, dans la gorge, mais la mer ne le prit pas. Depuis, il habite dans la gorge. Et sitôt que vient la tempête, il se jette à la mer en hurlant plus fort que la tempête, mais la mer ne le prend pas. Il ne peut pas mourir. Moi aussi, je savais maintenant pourquoi Rosaire décrivait toujours une grande courbe dès qu'elle approchait de la gorge de Poupon. « Mais pourquoi ne peut-il pas mourir » demandai-je en faisant la bête. Rosaire eut le plus joyeux des éclats de rire. « Parce que la femme était innocente, le lutin l'avait trompée. Ne te fie jamais à un lutin, ce sont de mauvaises créatures. » J'allai au village et me fis présenter toutes les magnificences que Joël possédait en fait de fichu. Je choisis un fichu de soie bleue avec des roses rouges vifs dans les coins. Dans la boutique de Joël, je rencontrai Martine. Ensuite, elle m'interpella devant la boutique de Joël, comme je voulais passer mon chemin. « Il y a si longtemps que tu n'es pas venu, » dit-elle. Et je vis que, malgré tout, elle avait de beaux yeux noirs. Je regardais là-bas, vers la mer, sans arrêter mes yeux sur elle. « Et je ne reviendrai plus, » répliquai-je. Martine ne dit pas une parole. Elle me regarda avec étonnement et s'en alla. « Ah, quelle joie va avoir Rose Eyre quand je lui montrerai le fichu !» Et sa joie fut grande, en effet. « C'est pour moi ?» dit-elle, en me montrant son cœur. « Oh non, oh non !» J'avais un petit couteau. Il plut à Rose Eyre, et je le lui donnai. Mon crayon lui plut aussi, une vieille monnaie de cuivre, un mouchoir. Tout avait de la valeur pour elle, et je lui donnai tout. Le visage de Rose Eyre était assombri d'un chagrin ancien et profond. Elle devait 10 sous à Joël, et il ne donnait plus rien sans qu'elle payât d'avance. Et Rose Eyre me montra sa petite bourse de cuir. Il n'y avait que 3 sous dedans. Si des fois je pouvais lui prêter 10 sous. Et maintenant Rose Eyre était joyeuse. Elle se sentait si allégée qu'elle ne cessait de montrer ses dents étincelantes. « Rose Eyre, dis-je, ne veux-tu pas maintenant avoir les bagues que je t'ai promises ?» Elle sourit et secoua la tête. « Non ? Non, car si je les ai, personne dans l'île ne croira que tu me les as données comme ça. Mais tu n'as pas besoin de les montrer. Qu'ai-je à faire de bagues que personne ne voit ? Et Rose Eyre ?» Rose Eyre se mit à rire. C'était une enfant, mais je sentais que je n'avais aucune prise sur elle. Je n'avais aucun moyen de faire impression sur elle. J'étais pourtant brun comme un pêcheur, et ma voix était aussi rauque que celle d'un matelot. Parfois aussi, elle disait que j'avais des yeux égarés. Je soulevais un peu la pierre sur laquelle elle était assise pour lui montrer que j'étais fort. Je frappais sur ma poitrine et dis que cela me ferait plaisir de combattre contre une 60aine de démons pour un seul de ses cheveux blonds. Rien n'y fit. Rose Eyre, que dois-je faire ? Dois-je cracher du feu et lancer des blocs de roche dans la mer comme des fins Polyphèmes ? Eh eh, Rose Eyre, ou bien dois-je te montrer que je suis plus fort que toi ? Chapitre 11. Le vent soufflait, des voix confuses et des cris caverneux flottaient dans l'air. La mer inquiète se jetait d'un côté à l'autre et grondait. Les colonnes d'écume montaient verticalement au flanc des rochers et le vent les rabattait contre la pierre en sifflant. Je vis Rose Eyre arriver par la lande, mais soudain elle disparut et ce ne fut qu'après un moment que je découvris sa coiffe blanche là-bas entre les rochers. Elle était assise sur une pierre, désœuvrée, et elle regardait la mer fixement. « Bonjour, Rose Eyre. » Elle ne répondit pas. « Ne veux-tu pas venir chez moi ?» Rose Eyre fronça le front en 1000 petits plis, puis elle me regarda. Ses yeux avaient l'air éteints et malades. Je compris ce qu'elle voulait dire et la laissai seule. Une fois, je vis Rose Eyre se prendre la tête entre les mains et la bercer comme quelqu'un qui pleure. Le vent flûtait dans les rochers et fouettait la mer grise. Elle était assise sous la pluie battante. Je m'approchai. Elle ne pleurait pas. Elle chantait d'une voix haute et triste et berçait sa tête en cadence. Je l'appelai, elle tourna la tête. Ses joues semblaient avoir fondu, elle avait l'air d'avoir vieilli. Ses yeux étaient tout changés et leur regard était tout étrange, comme si elle ne me reconnaissait pas. « Pourquoi restes-tu sous la pluie, Rose Eyre ?» Elle remua les lèvres et sourit, un sourire sans bruit, un sourire malade. Elle ne dit rien. Je m'en allais. Je commençais à comprendre qu'il devait y avoir chez elle quelque chose qui n'était pas normal. Elle resta dehors sous la pluie jusqu'à la brune. Plus tard, je sortis pour jeter un coup d'œil sur elle. Elle était partie par un autre chemin.